Bien. J'espère qu'il y en a qui aiment ça. J'espère qu'il y en a qui aiment moins ça. J'espère bien, Calvaire. La toune 8, Résignation, Ressentiment. Ouais, l'album Gamache, un beau petit album, clac clac, en cacron, encore du cacron, tout le temps du cacron, c'est du cacron. Oui, j'aime ça les albums en cacron, faites à la main, un mini CD, je le sors du CD. Et puis c'est ça, il y a un mini CD, là, genre petit, avec une tache de peinture dessus. Ouais, puis celui-là, je le manipule pas trop parce qu'il est fragile. Fait qu'on va avoir une émission ce soir avec, ça commence par du Gamache. J'ai dit à toi, là, c'est-tu, pouf, pop, pouf. Hein? Après ça, du Goloméné. Gros Méné, là, c'est vraiment spécial. Québécois, Lac Saint-Jean, mais ça fit pas que le reste, mais j'en ai acheté, puis je trouvais ça cool, parce qu'il disait qu'il était ami avec Fred Fortin, ça, ouais, Frédéric Fortin, ouais, puis je me suis dit, bah, c'est fucké, pareil, de toute façon, c'est juste un autre genre de fucké, fait que, entre fucké, on s'entendre, et puis après ça, j'ai du groupeur, où nous sommes dans les G, Folie Choquée numéro 9, S9, ouais, 6, 7, 8, 9, ça fait 4, ça. Ouais, ok. Guano, à poursuivre. Ça, c'est vieux. Indica Record. Hey, tabarouette. Ouh, les dix, ouais, c'est un guano que j'ai acheté genre 2 piastres au, dans le temps que j'allais chez Kérosène. Mais il marque pas l'année. Je sais qu'ils se sont fait voler le stock. C'était-tu eux autres? En tout cas, ils étaient pas, ça a pas fait leur affaire. Holden, mais pas Holden, mais bien James Holden. Un bon petit DJ. Après ça, un autre groupe qui s'appelle Holden. Groupe français, francophone. L'arrière-monde et du Hirschta. Le gars qu'on pense que c'est une fille, mais que c'est un gars. Imitation Electric Piano. Et pour finiton, X13. Eh oui, ça veut dire donc que si on est dans les G, H, I, nous sommes dans... Si je passe 3 lettres d'une soirée, c'est quelque chose. Dans le fond, non. Là. J'ai pas passé 3 lettres d'une soirée. J'ai commencé à... Genre... Si qu'on va manquer de temps. 2 minutes 50, 3 minutes. Oh boy! Alors, Gamache, la toune, c'est dans le train. Oh boy! Faut pas que je le mouille. Il est trop beau. Du calcron mouillé, c'est pas beau autant. Fin. Thank you. Oui, Gamache, un petit peu de bruit train. Excellent, bon. Alors, je vais passer ce qui est sur l'album Gros Méné. Tout ce drum, Pierre Bouchard, Gros Méné. Ah oui, sauf que la toune, la toune, je vais pas essayer. C'est vraiment pour faire chier le monde que je fais ça, parce que c'est la seule toune qui a pas été faite par le gars de Gros Méné. C'est qui le gars de Gros Méné, c'est-tu? Je sais pas. Oh, on va le savoir, hein, savoir. Tu sais que j'aime ça faire ça, on va regarder le livret de même, paf. Hein, bon. Halluciné par l'Institut de Pierre Fortel de Saint-Lys-Félicien, janvier-février 99. Photo et conception graphique. Martin Bureau, une production L'Arrivée Chabot-Champagne pour les disques de La Tribu. Contact la compagnie L'Arrivée Chabot-Champagne, 100 Sherbrooke, S Bureau, 3200, Montréal, Québec, H2X1C3, téléphone, bon là, arrêtez. Là. Pour tout le monde, merci. C'est que j'aime ça lire vite. Je lis tellement vite. Ah, si je trouve pas... C'est qui le gars? Le gars, je le respecte, là. Il fait de la bonne musique. Je pense que c'était aussi un ami de Galaxy 500 dont je n'ai pas de CD. On faudrait demander à quelqu'un qui me passe son CD de Galaxy 500. Mais je veux pas en faire jouer parce que il fera jouer sur notre style podcast. Hostie, j'avais promis que j'arrêterais de jaser de ça. Mais lui, il n'a pas de podcast. C'est bon, mon podcast. On a notre podcast. C'est plus bon. En tout cas, ouais, je sais ce que je peux trouver. C'est qui a fait ça? C'est Charlie. Charlie. Ah, oui. Fait que c'est Fred Fortin et Chris. C'est pas un ami de Fred Fortin. C'est Fred Fortin. Fred Fortin, là, c'était bon. C'est le bon, l'album Fred Fortin. Ah, tu sais que je suis quand même... Là, j'ai eu la cam en Chris. C'est Fred Fortin, ben oui. Fait que c'est, je pense que c'est son petit garçon, Charlie, qui chante la prochaine toune. Let's go! Je vais me reposer, je pense. Était-ce sérieux? Seul l'était sérieux. Moi, je niaise pas avec ça. Moi, je pense que ce que c'est, c'est. Si c'est de la merde, oh boy! Oh boy, je m'attendais pas à ça. Ben, pose-moi ça. Ouais, groupeur, c'est bon, groupeur. Je sais pas lequel je vais passer encore. C'est bon, groupeur, ça me fait penser un peu à Tim Maker et ou à d'autres choses. Ouais. Hey, presque minuit. Mon coloc se demande quand c'est que je vais fermer ma gueule. Ça vient. Il s'en vient. Ah, non, il était épicé. Ah, il est parti l'eau. Bon, ok. Grouper, let's go, les go. Ouais, c'était Grouper, c'est un excellent groupe avec la toune que j'ai mise. Ça s'appelle Wide. Sur l'album, il y a Stick qui a pas de nom. J'ai ça. Stick, ils mettent un album blanc. Grouper. Je pense que le nom de l'album, c'est Wide. Ça vient des États-Unis. C'est aux États-Unis d'Amérique. L'album, c'est Wide. Genre New Age. Quoique, je trouve ça un peu réducteur. C'est meilleur que du New Age. Mais. Ben, ils feront ce qu'ils voudront avec ça, là. Ouais, j'ai passé une toune de même, ça avait l'air du New Age, mais les autres n'ont pas nécessairement l'air. Une toune de guano! Une toune de guano. Guano. Je pense que je vais passer... Ah, il y a un paquet de bonnes tounes, même si c'est vieux, puis c'est québécois, puis c'est du punk rock québécois. Il y a des bonnes tounes pareilles. Let's go, guano, bing bang. Ben oui, Cironde, lampe sur pied, rouleau de papier, suit-tout, speaker, bouteille vide, téléphone cellulaire, crayon rouge et lighter. Non, finalement, je viens de l'écouter, puis ouf, des fois, je devrais écouter ce que je fais passer avant de... Non. Ouais, ben, c'est ça, c'était dans le tas, puis je me suis dit, j'ai écouté ça pas mal, pour de vrai, puis je me suis dit, mais du rock québécois, c'est ça, dans ma tête, ça, moins non. Mais, il y a du bing-bang, pouf, britannique. Ça vient, Holden. The idiots are winnings. Point. Border community. Ça, c'est bien. Oui, c'est rarement de la vraie musique. C'en est là. De la vraie musique de boom bang. Pouf paf pif. Mortel, même si on ne la fume pas. Ouais, j'ai moins de choses à dire, on dirait. Let's go pour du Holden, bing bang. Ouais, c'est relax parce qu'on dirait que quand on passe des tunes comme ça, on dirait que plusieurs personnes les aiment comparativement à des trains. Les trains, là, ça, c'est pas toujours aimé, non. Là, j'ai un CD dans les mains. S'il y a du japonais là-dedans, bon, mais c'est pas grave, c'est traduit en franglais. Eric Craven, c'est quoi la voix vocale, Beck Foon et Jane Easton. En tout cas, un paquet de gars chantent, puis ça donne de la musique, puis on pourrait se dire, calvaire, est-ce une femme qui chante? Il n'y a pas de femme, c'est incroyable, il n'y a pas de femme. Puis je sais même pas si je vais passer une toune du chant, là. J'aurais aimé ça, mais je suis pas sûr de mon coup. Mais c'est incroyable. Ershta. Stem in Electro. Ça a été. Je pense que c'est Made in Canada, ça c'est certain, là. Mais attendez. Ouais, je pense que c'est Constellation, mais je suis pas certain. Ça pourrait être Alienate aussi. Alienate qui est un bon pusher de musique. Parce qu'il y a un des deux qui a été fait sur Constellation, puis l'autre qui a été fait sur Alienate. Mais je pense que c'est celui-là que j'ai. Alienate, Stem in Electro. Attends une minute, je vais aller voir. Hey boy. Non. Oui, non. Si. Ouf. Oh. Ah, le bleu. Ouais, non, c'est l'autre. Ouais, j'en ai juste deux. Je pense qu'il y en a juste deux. Puis l'autre qui est sur Alienate. Non, celui-là est sur Alienate. L'autre est sur Constellation. Si boire, là, que j'exagère. Bon, c'est Ershta, Stem in Electro. C'est tellement bon. Puis je pense qu'il n'y a pas de voix. Et s'il y aurait une voix, là, vous verrez. Chris, c'est pas facile à distinguer. C'est pas facile la vie. Enfin. Thank you. Thank you. Ça, c'était très, très, très, très, très bon. Et puis, je vais jouer encore la musique qui est très, très, très, très, très bonne. Tu sais, des fois, là, on est dedans, là, puis on en met deux, trois bonnes de suite, là. Ils sont bonnes en tabarnak. Yes, sir. Bon, ouais, fait que prochaine tune, ça va être du groupe Imitation Electric Piano, de l'album Blow It Up, Burn It Down, Kick It Till It Bebelied. Je voulais pas bafouiller, mais c'était Bebelied. Bleed. Blow It Up, Burn It Down, Kick It Till It Bleed. Drag City, Chicago. Ouais, Drag City qui est shitty. C'est ça a un rapport avec Stereolab, j'imagine, hein, parce qu'il y a le Stidicone de Stereolab. Stereolab, c'est bon, hein, si boire. C'est que j'ai le goût d'en mettre. Mais on n'est pas dans Yes. Un bon petit groupe. Paf, dans le micro. Un bon petit groupe. Hey, je sais pas c'est quoi. On dirait du post-rock, mais c'est bon, là. Ça, c'est incroyable. J'ai jamais entendu ça. De même, de la musique de même, autre que là, mais c'est parce que juste pas assez de bonne tonne sur le CD, là, mais incroyable. Ça, c'est monsieur de Headphones Required qui me l'a vendu parce qu'il trouvait pas assez bon à son goût. Ben, de la merde, je vais le passer, puis ça, ça va faire la différence. Let's go, les jambes. Yes, madame, c'était Emily Tickle. Et Mitchell, tu es. Imitation électrique piano, blow it up, burn down, kick till bleed. Ok, c'était la toune Come into Force. C'était quelque chose, oui. Alors là, maintenant, j'ai un autre CD copié, mais que j'ai acheté. L'auteur l'a copié. Esti. Arrêtez. J'ai pas passé un esti de CD que j'ai pas acheté. J'ai tout acheté des CD. Que je vais passer à la folie choquée. C'est la loi de la nature. Ben, ma loi personnelle. Ici, j'ai X13. Le ciel est bleu, l'enfer est rouge. L'album numéro 73 sur 100. Édition limitée. C'est pour ça qu'il a été copié. Ils en ont fait juste 100. Ils ont copié à la main. X13. CBR009. Pour CBR, pour si vous voulez. Si vous êtes rapidos, Chablan Record. Juillet 2006. Quelque chose. Ça, c'était juillet 2005. Je l'ai acheté gratos. Avec mon argent Atom Heart. Ah oui, à chaque fois qu'on va chez Atom Heart, ils nous donnent un 10% en argent Atom Heart, comme l'argent Canadian Tire. Sauf qu'on en a plus pour notre argent. C'est ça. Puis celle-là, ben, il était pas cher. Alors, je l'ai acheté avec mon argent Atom Heart. Allez-y, allez-y, allez-y, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais allez-y! J'ai oublié de dire la toune. Je vais passer la toune Folk Urbain Continuum. Crise de bonne toune. Let's go les jambes. Go. We'll be right back. Wow, comment on peut faire de la aussi bonne musique? C'est bon. Bon, en tout cas, c'était X13. Très bon. Sur l'étiquette Chablan Records, qui font tout le temps de la colise de bonne musique. Comment ils font? Même moi, je suis pas capable de faire aussi bon. J'en fais pas de la musique. Ben, oui. Alors, bon, ben, c'est une autre fin d'émission. Il reste 5 minutes à la fin. De toute façon, je peux plus en faire d'autres avant un bout. J'ai plus de place mon hard drive. Windows vient de m'avertir à 100 MB qu'il me restait plus de place. Il me reste 100 MB. 100 MB. C'est quelque chose. Ça, c'est plein longtemps. Ça veut dire que ça se peut même que mon ordinateur floquette. Ben là, j'ai fait le ménage. Là. J'en ai libéré 2 gigs. J'ai jeté des bébelles. Là. Des émissions que j'avais enregistrées. Ouf. Ouais. Ouais. Hell. Donc là, on est rendu au mois de juillet. Il fait pas beau. Un jour, fera beau. Pas là, pas beau. Pis beau, papa. Il mouille tout le temps. Ouais. Bon, faudrait que je me trouve de quoi dire. Donc, en ce moment, je m'ennuie. Fait que j'ai pas grand-chose à dire. J'aimerais ça aller prendre une bière. Est-ce quelqu'un qui veut aller prendre une bière avec moi? Ah, tiens, je suis en train de lire, puis j'ai 3 heures que je pourrais enregistrer avec l'espace que j'ai. Ah, c'est pas pire, hein? 3h22, c'est excellent. Ben, ça serait peut-être l'inc la première fois que je pourrais réussir à finir mon émission avant 1 heure. Et oui, 56 minutes, c'est pas glugo, pas gugu, belugu, bobo, iboub. 57 dans pas long, mal pogné. Bonne soirée. Alors, vous étiez à... La folie choquée, c'est tout ça? Dites-moi les dons. Envoyez-moi des emails. Envoyez-moi quelques commentaires sur ma page web. Ce serait à peu près le seul salaire que je pourrais réclamer parce que je veux pas avoir de l'argent parce que je vais être obligé de la distribuer aux artistes. C'est pas parce que je suis cave, là, mais je fais ça juste pour les faire connaître et je fais pas d'argent avec ça. Bon. Des commentaires, ça serait très bien. C'est mon salaire. Comme dirait quelqu'un qui dit ça. Et puis, ben, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, je vais passer un petit bout de comique de moi, plus jeune. Ça va faire clore cette émission. Bonne soirée. On est à l'école Saint-Edouard avec le chien... Et Canet, c'est Barbara qui est mélangé avec ça. Il est aussi n'importe quelle couleur parce que Canet, c'est brun, puis un Barbara, c'est gris. Fait que. Ah non, un Canet, c'est gris, puis un Barbara, c'est brun. Fait que, hein, on va. Ça va faire mélanger avec du brun et du gris. Ça va faire une lettre couleur. Il y a aussi une moustache. Bon. Oh,